Chapitre 190. Le mérite d'attendre la prière à la mosquée. 1061. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: l'un d'entre vous est en prière tant que c'est cette dernière qui le retient et qui seule l'empêche de rentrer chez lui. Al-Bukhari et Muslim. 1062. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: les anges prient sur l'un d'entre vous tant qu'il reste assis à la place où il a accompli sa salat et qu'il ne perd pas ses ablutions. Les anges disent: ô Allah, pardonne-lui. Ô Allah, fais-lui miséricorde. Al-Bukhari. 1063. Anas radiallahu anhu a dit: le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, retarda une fois la prière du Isha jusqu'au milieu de la nuit. Il se tourna alors vers nous après la salat, puis dit: les gens ont prié, puis sont allés dormir, alors que vous, vous n'avez cessé d'être en prière tout le temps de votre attente. Al-Bukhari.